boy suddenly, il atterrit sur le sol de pied. Rocky boy suddenly, et il est très fatigué. Rocky boy suddenly, Rocky boy. Rocky boy suddenly, Rocky boy. Rocky boy, un gars sympa, il aime Dulli, mais Dulli ne l'aime pas. Rocky boy préfère les gars, que ça vous plaise ou pas. On comprend pas bien pourquoi, il aime monter comme ça. Rocky boy, c'est un gars sympa, mais il préfère les gars. Rocky boy, suddenly, il atterrit sur le sol de pied. Rocky boy, suddenly, il est très fatigué. Rocky boy. Rocky boy. Rocky boy, un gars sympa. Il aime du lit, mais du lit ne l'aime pas. Rocky boy fait la cuisine. Il passe son temps dans la farine. On ne comprend pas bien pourquoi il a ces goûts-là. Rocky boy, c'est un gars sympa, mais il préfère les gars. Rocky boy suddenly, il atterrit sur le sol de pied. Rocky boy suddenly, et il est très fatigué. Rocky boy. Rocky boy. Rocky boy, suddenly, il atterrit sur le sol de pied. Rocky boy, suddenly, et il est très fatigué. Rocky boy, suddenly, il atterrit sur le sol de pied. Rocky boy, suddenly, et il est très fatigué. Fatigué. Rocky boy, tu es fatigué. Rocky boy. Rocky boy. Rocky boy, il préfère les gars. C'est son truc à lui, quoi.